Sylvain Winstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, qui publie deux livres chez Gallimard, Ombre pour ombre et Du trop de réalité dans la collection Folio. Est-ce le fil du langage qui retient le cerf-volant de ce que nous sommes, ou est-ce l'envol du cerf-volant qui donne au fil sa tension particulière ? Certains, Annie Lebrun, situent la fin du surréalisme en 1945. Oui. Il y a même une histoire célèbre qui nous le rappelle. En 1945, vous étiez à peine née. Et pourtant, vous avez rejoint le mouvement surréaliste. Alors, je pense que c'était un petit peu plus tard. Oui. C'était la révolte permanente ou les repères que le surréalisme offrait qui vous ont attiré. Bon, c'est plutôt j'étais tellement mal dans ma peau que je cherchais un peu partout dans la vie et dans les livres s'il y avait des gens qui se posaient les questions que je me posais à ce moment-là, et puis c'est trouvé que je suis tombée sur les livres de certains surréalistes. Et s'ils ne m'apportaient pas forcément des réponses, j'avais l'impression qu'ils étaient agités par les mêmes interrogations. Donc, ça s'est fait comme ça. Ouais. Il n'y avait pas que les textes, d'ailleurs, il y avait des images aussi. Il y avait des images aussi, oui. Mais dans les années 60, les images n'étaient pas répandues. Et même, c'était très compliqué de trouver les livres en province. Alors, vous avez fait comment ? Vous avez fait le mur ? Ce que j'ai trouvé, je l'ai recopié. Mais bon, tout le monde a fait ça. Hein. C'est pas mal d'ailleurs pour lire les livres. On les lit très bien comme ça. Et à force de recopier, vous avez fini par en écrire vous-même. Oui, c'est peut-être comme ça. C'est ça l'écriture automatique. Car dans ce volume qui paraît chez Gallimard, Ombre pour ombre, qui est un gros volume hein, de poèmes, même si le mot n'apparaît pas sur la couverture, oui. On peut relire des textes qui remontent à ces années 60 dont vous parlez, celles oui. où vous faisiez le mur. Oui. Avec d'autres recueils, sur le champ, c'est le premier. Oui. Et bon, on entend le mot champ en pensant à d'autres champs. Oui, mais c'était plutôt tout de suite. Ou à la clé des champs ? Non, c'était plutôt tout de suite. Ouais. Il y a les écureuils de l'orage, annulaires de lune, etc. Mais chez vous, l'activité critique, c'est-à-dire plutôt de réflexion, l'a emporté sur la poésie, sur l'activité poétique. Oui. C'est pas délibéré, ça s'est passé comme ça. C'est peut-être parce que le monde me paraissait tel que il fallait que j'intervienne de cette façon critique, bien que je pense que moi je dise toujours la même chose. Alors c'est sur des registres différents. Mais c'est pas Bon, il s'est trouvé que l'air du temps était tel qu'il y avait des choses qui peut-être empêchaient de respirer librement, comme empêchaient qu'il y ait cette qualité de l'air dans laquelle il me semble que l'activité lyrique n'est pas possible, enfin du moins pour moi. C'est, voilà. Donc ça a pris d'autres tours et puis un autre tour et puis quand même il n'y a pas eu seulement l'activité critique au sens de dénonciation, mais il y avait aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des grands textes et ça m'a... Les voyages que j'ai faits, ou avec Sade, ou avec Roussel, ça vaut bien. Pour moi, ça vaut bien tout le reste. Donc tout ça, c'est un peu pareil. Donc le passé et l'avenir n'étaient pas vraiment un champ de ruines, même s'ils étaient complètement dévastés, parce qu'il y avait les livres. Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé. Les livres, les gens, mais... Moi, je vis avec ça. En tout cas, ces essais que vous avez publiés à partir de cette époque où le lyrisme, donc, vous semblait pas possible, ou en tout cas menacé, sont des essais plutôt polémiques, des pamphlets. Je pense par exemple à Lâchez tout, que vous avez publié au Sagittaire en 77. Oui. Et un peu plus tard, au livre sur Sade, soudain un bloc d'abîme Sade. Mais c'était pas un pamphlet, ça. Oui, mais c'était pas non plus un livre écrit à l'eau de rose. Non, mais cet encrier-là, je n'ai pas tellement trempé ma plume dedans. Enfin, on ne peut pas dissocier ces essais sur Sade des autres, parce que finalement, c'est un peu toujours la même chose que vous dites par des allées et des détours. Oui. Mais bon, si je prends le titre d'un livre qui ne date que d'il y a 10 ans, de l'inanité de la littérature. Oui. On voit que tout de même le procès est jugé. Qu'est-ce qui est jugé ? Le procès. Ah bon ? De la littérature. Oui. Non ? Non, mais qu'est-ce que je dois dire ? C'est clair. Il me semble que. C'est le refus d'une attitude de spécialisation ou de considérer cette activité-là qui passe par les mots, de la considérer séparée du reste. C'est ça que je mets en cause à travers la littérature. C'est-à-dire qu'on peut rapprocher ce titre de l'inanité de la littérature d'un autre que vous avez publié chez Plomb, je crois. Appel d'air. Oui, oui, oui. Qui montre quand même que la poésie n'a pas dit son dernier mot. Non. Elle peut se lever encore. Je pense que oui. Il y a un autre livre qui est celui qui reparaît aujourd'hui dans la collection Folio Essai, oui. Dont le titre aussi annonce le programme, c'est « Du trop de réalité ». Oui. Là, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'est un pamphlet, mais c'est une analyse critique qui n'est pas effectivement à l'eau de rose. Non. De ce que... C'est pas un pamphlet, mais enfin, tout de même. Ce que nous vivons, oui. Enfin, moi, je perçois ça comme ça. Oui. Parce que le trop de réalité, c'est quoi ? C'est la réalité de notre société en réseau. Oui, oui. D'ailleurs, vous dites que ce livre-là, vous auriez préféré ne pas l'écrire. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Oui. Mais à voir comment cette avancée de plus en plus grande du monde des choses dans le domaine de l'imaginaire et qui fait que nous est laissé de moins en moins d'espace de liberté a fait que, oui, là, je me suis vraiment sentie obligée d'écrire ça et j'aurais préféré faire autre chose. C'est-à-dire que les choses occupent toute la place et... Oui, il y a une marchandisation de... une marchandisation de... Un essai de marchandisation de tous les désirs et que ce qui jusqu'à présent pouvait être encore un espace de liberté ou qui un espace qui permettait de rêver ou de prendre de la distance par rapport justement à ce qui est, et bien maintenant cet espace est de plus en plus menacé et pratiquement réduit à rien, et avec pour conséquence une sorte d'effondrement de la dimension imaginaire. Et même si mon analyse est violente, malheureusement, il me semble que le tour que prend la sensibilité, c'est la production, par exemple la production littéraire, montre qu'on assiste effectivement à ce genre d'effondrement de l'imaginaire. Ne parlons pas dans le domaine érotique, alors là, ça donne des merveilles de constats. Voilà. Oui. Et encore, à l'époque où vous avez écrit du trou de réalité, il n'y avait pas Internet. Ça commençait, mais justement, tout s'est accéléré et a pris des proportions. Et il y a eu un désastreux passage, un désastreux saut de la quantité à l'absence de qualité. Oui. Aujourd'hui, vous baladez sur Internet ? Non. Jamais ? Non, je suis pas forcément. C'est pas le diable, hein. C'est-à-dire je peux appuyer dessus, mais c'est pas une activité qui fait que je passerai du temps à ça. Ça manque un peu d'air. Beaucoup, beaucoup. Justement, alors là, on assiste à l'aplatissement de la perspective. On appuie à la demande, tout de suite, il y a la réponse. C'est prêt à consommer tout de suite. Première phrase du trou de réalité, Annie Lebrun, ce livre qui reparaît dans la collection Folio Essai chez Gallimard. Je le disais tout à l'heure, il est des livres qu'on préférerait ne pas écrire. Et vous continuez, mais la misère de ce temps est telle que je me sens obligé de ne pas continuer à me taire, surtout quand on cherche trop à nous convaincre de l'absence de toute révolte. Voilà. Donc c'est le mot. Révolte que je citais tout à l'heure, qui est prononcée. Il y en a un qui n'apparaît pas encore, mais on sent qu'il n'est pas loin. C'est le mot rêve. Mais oui. C'est... Non. Parce que vous dressez un état des lieux dans ce livre, un état des lieux du désastre. Et on peut dire que ce qui le constitue d'abord, c'est que le rêve a purement et simplement disparu de l'horizon. À mon avis, oui. Oui. Le rêve et le sens, peut-être. Oui. Tout ce qui va avec. Donc aussi une façon de... d'être au monde autrement, de concevoir le monde autrement. C'est ça qui maintenant nous est de plus en plus retiré. C'est comme les dieux qui se sont retirés. Oui, enfin, ceux-là, je les Vous n'aimez pas les dieux. Je tiens pas compte. Non, ça existe comme ça. C'est tellement. C'est une question qui se pose pas. Donc, c'est des. Non, je. C'est pas. Je suis très réfractaire, définitivement. Est-ce qu'il y a des coupables? Des coupables? À quoi? À l'état de la. À quoi c'est dû? Ce désastre. Ce désastre, des coupables, j'aime pas beaucoup le mot. Des responsables. Il y a vraisemblablement des responsables, mais. Est-ce que ce sont des écrivains, des philosophes? Je pense que les intellectuels et les artistes ont quand même une assez grande responsabilité dans l'état des choses. Non qu'ils soient à l'origine de tout ça, mais il n'empêche que, justement, par la position qu'ils occupent, compte tenu de ce qu'ils prétendent être, d'eux, on aurait pu attendre, justement, d'avoir cette distance critique sans laquelle il n'y a pas de pensée. Or, il me semble que elle fait défaut, ou alors, c'est ce qui est encore plus grave, c'est devenu une activité spécialisée. C'est-à-dire, il y a des gens qui se spécialisent dans la critique d'un domaine. Et alors, on se trouve devant une critique simulée, si je puis dire, de sorte que on a fait comme si on a critiqué, et sans voir que malheureusement le tour que les choses ont prises fait que tout se tient, et de ce fait c'est ce genre de critique souvent fait l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Et c'est bien justement la difficulté. Donc c'est pour ça que les gens sont pas forcément, que je veux pas parler de culpabilité, de responsabilité, mais il y a une difficulté aujourd'hui à penser cette totalité-là. Oui, mais je parlais de coupable parce que vous-même, vous n'hésitez pas à utiliser une métaphore policière. Vous dites que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le langage s'est laissé retourner. Ah oui, de ce point de vue-là, oui, oui, oui. Il y a quelque chose de très grave dans la détérioration du langage. Et c'est grave parce que c'est encore une des seules armes dont chacun peut disposer. Donc si on fait en sorte que cette arme s'enraye, après on est complètement démuni. Et là, il suffit aussi d'écouter ce qui se dit pour voir à quelles approximations on arrive, et de ce fait, comment de plus en plus les êtres vont se trouver avec des moyens d'énonciation très déficients. Oui. Et on sait ce que ça peut entraîner aussi. D'ailleurs, vous dites que vous pourriez dresser une liste de mots qui ont été retournés. Peut-être d'abord le mot liberté. Oui, mais presque on en est arrivé au point où les mots sont dits, sont brandis pratiquement pour couvrir le contraire de ce qu'ils veulent dire. Donc on parle de liberté parce qu'on veut essayer d'en maquiller l'absence. Quelque chose comme ça, oui. Et c'est pareil pour le mot amour. Ah, ça va pas très bien de ce côté-là non plus. C'est-à-dire que c'est entre entre ces caricatures sentimentales ou alors une sorte de pathos qui fait que ça ne renvoie pas du tout à ce dont il peut être question dans une relation amoureuse. Je voulais vous demander s'il en était de même pour le mot poésie. Oui. Parce qu'il circule encore, ce mot. Hein. Il circule beaucoup. Il est même, comment on dit, il sert à des promotions. Ah oui, il y en a des pelletés de poètes. Hein, qui sont, il y a tous les festivals, machin comme ça. Donc, voilà, justement. En voilà un qui a un mot qui a été retourné. C'est-à-dire que c'est l'absence de poésie qui est... Oui, à mon avis, oui. Beaucoup, souvent. Les poètes sont là pour signifier l'absence de la poésie. Peut-être pas tous, mais ceux qui sont quand même au devant de la scène et qui jouent ce jeu-là, il me semble que bien souvent, oui. Et c'est pour ça que vous n'avez pas mis le mot poésie sur la couverture de Ombre pour Ombre. Non, c'est pas... Non, parce que je ne sais pas exactement ce que sont ces textes-là. Alors, donc, c'est pas moi qui vais déclarer si c'est de la poésie ou non. C'est ce registre-là et ça a fait que ça a pris cette forme-là. Mais je ne veux pas me présenter ni me définir justement comme sous la bannière de la poésie pour les raisons que j'ai dites et puis parce que à nouveau, la poésie maintenant tend à être exploitée comme activité séparée. Il y a des spécialistes de poésie, comme il y a des spécialistes d'érotisme, comme il y a des spécialistes de la pêche à la ligne. Tout ça, c'est pareil. Hein. Donc, c'est pas la peine de mettre une étiquette. Vous n'aimez pas les appellations trop contrôlées? Non, pas ici, pas plus qu'ailleurs. Mais ce qui manque, c'est la métaphore. Hein, c'est ce que vous semblez dire dans du trop de réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout est mal en point, mais la métaphore, d'abord, et notamment dans ce qui s'écrit sous le nom de poésie. Hein, vous dites qu'on fait un contresens sur la métaphore. Qui, grâce à la mystification scientiste, a bien camouflé les choses. Oui, mais ça, c'était... Vous me regardez comme si ce n'était pas vrai ce que je disais. Non, j'écoute, j'essaye de comprendre ce qui est dit. Mais pourtant, je ne fais que traduire. Oui, non, c'était à propos de l'histoire... Socal et Bricmont, c'est quand vous souvenez, il y a quelques années, deux scientifiques avaient repéré justement l'usage de références scientifiques chez un certain nombre de penseurs à la mode. Ça allait de Kristeva à Baudrillard, en passant par... Je ne sais plus, il y avait quand même tout le cycle intellectuel avait été épinglé. Et quand on lisait la critique de ces scientifiques, il semblait qu'il y avait un usage au moins abusif, enfin les emprunts paraissaient abusifs, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'emprunt au domaine scientifique qui... manifestement servait à intimider le lecteur au détriment de la justesse du rapprochement qui était fait. Et ce qui est curieux, c'est que pour se défendre, les personnes inquiétés par ça, n'auront rien trouvé mieux, d'ailleurs Julia Kristeva en tête, que de se réclamer de la métaphore. Alors, ce qui m'a paru, ça me paraissait aussi un signe du mauvais état dans lequel se trouve la métaphore aujourd'hui, puisque elle peut servir à n'importe quoi, et en l'occurrence, là, à servir une sorte d'escroquerie. Mmh. Et la métaphore n'est pas un omnibus. Peut-être c'est un moyen de transport, mais c'est un moyen de transport extrêmement précis, extrêmement efficace, qui justement permet d'aller au-delà de ce qui est. Et il m'a semblé que dans ce cas précis, c'était un exemple qui avait beaucoup de répercussions, puisqu'on voyait à quel point la métaphore était aussi méconnue au point de permettre de tels trafics. Voilà. Mmh. Alors, l'état des lieux étant dressé, on peut se demander s'il y a une issue. Comment sortir de là? Comment sortir de ce désastre? Bon, vous avancez peut-être une réponse, je ne sais pas. Ce que vous appelez l'énormité poétique. Hein, vous dites que le trop de réalité d'aujourd'hui, c'est l'ennemi déclaré de l'énormité poétique. Oui, c'est pas une solution, hein, mais effectivement, je me suis référée à ça, ce que j'appelle l'énormité poétique, c'est-à-dire cette sorte de saut dans l'inconnu ou de saut mortel qu'on trouve chez les grands poètes qui font. Il se trouve aussi que quelquefois la métaphore sert à faire comme un tremplin formidable pour faire ce saut dans l'inconnu. Et à cause d'avancées de cet ordre, eh bien, l'horizon sensible peut bouger. Mmh. Et l'air qui en résulte, au moins les courants d'air qui en résultent, sont toujours bénéfiques. Les grands poètes, c'est-à-dire? Voilà, j'ai pris des exemples que, bon, je pense qu'on ne veut pas tellement discuter. Je me suis référé, je ne sais plus, je me réfère, je crois, là, à Rimbaud, je me réfère à Saint-Paul Rouge, à Germain Nouveau, enfin bon, tout ça, c'est... voilà. Et puis quelques autres. Et quelques autres, mais oui. Assad aussi, d'ailleurs. L'énormité poétique, Annie Laura, c'est peut-être alors Ombre pour ombre, l'autre livre qui paraît chez Gallimard et qui reprend, je le disais tout à l'heure, un certain nombre de textes que vous avez publiés il y a quelques années, quelquefois il y a assez longtemps, puisque le premier sur le champ date de 67 aux éditions surréalistes. Mmh. Et à l'époque, c'était une publication avec des collages et des pointes sèches de Toyen. Mmh. Et à cette époque-là, 67, il me semble qu'on était en plein plaisir du texte. Oui. Structuralisme. Oui, oui. Mais ce n'est pas du tout le genre de ce texte-là, mais qui est un poème, mais un poème en prose. Oui. C'est un texte lyrique, et dans le sens aussi où le lyrisme est toujours le développement d'une protestation. Oui, ce texte-là, c'est ça, mais bon, il ne s'agit pas d'énormité poétique, je ne prétends à rien de ce côté-là. Mmh. Et quand vous dites sur le champ, vous introduisez une urgence? Oui. C'est maintenant ou jamais. Quelque chose comme ça. Et il s'agit, avec les mots, d'élargir un peu l'horizon, justement, pour ne plus rester dans cette asphyxie. Oui. Oui, et justement, tout à l'heure, quand vous demandiez les coupables, les responsables, je crois que... la tendance actuelle est de s'accommoder beaucoup trop aisément de ce qui est, et qu'aussi de s'accommoder du langage moyen. C'est-à-dire de confondre la poésie et la prose. C'est pas des questions de genre, c'est plutôt des questions d'attitude devant la vie et devant le monde. Et si, effectivement, si... Je crois que vous le dites d'ailleurs dans l'autre livre, du trop de réalité, vous dites que depuis quelques années, la poésie se prosaïse et que le roman se poétise. Oui, il y a ça aussi, oui. Oui. Et ça donne une sorte de bouillie insipide qui va bien avec le genre de production qui sont attendues aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quand même des produits formatés. Et ce qui se passe culturellement n'est pas très différent de ce qui se passe pour... l'alimentation, c'est-à-dire c'est à la fois les mêmes trafics, la même uniformisation des goûts. Et je crois que dès si on regarde un petit peu attentivement les choses et les êtres, on peut constater les ravages de ce genre de processus. Un processus qui exclut la passion. Ah oui, complètement, oui. La passion n'est pas tendance, la passion n'est pas zen, la passion n'est pas cool. Donc, aucun intérêt. Et la passion, c'est le champ de la poésie. Sûrement le... Enfin, je dis champ. Oui. C'est lié au lyrisme. Le lyrisme, c'est aussi le sentiment très, très aigu de ce que... De la fragilité de ce qu'on vit, et que c'est toujours gagné sur le néant. Mmh. Et bon, si tout est fait pour qu'on oublie ça, eh bien, du même coup, on peut vous essayer de vous faire passer n'importe quoi. Et aussi de jouer. On joue beaucoup actuellement sur l'interchangeabilité des choses et des êtres. Et là, c'est vraiment l'inverse de la passion. Mmh. Et vous pensez que les mots peuvent repassionner la vie ? Pas seulement les mots, mais c'est quand même ça aide. Ça aide, et si on les garde, si on essaye de les rendre un peu plus libres, d'essayer de désentraver, de les désentraver des sens convenus dans lesquels on essaye toujours de les utiliser, eh bien, les mots commencent à s'agiter, à vivre, ça devient des êtres très intéressants. Les mots doivent aussi donner libre cours aux troubles. Et ce qui manque beaucoup aujourd'hui, d'après vous, c'est le trouble, justement. Parce que si on prend le sexe, on en parle beaucoup, mais on oublie cette dimension du trouble. Oui. Donc il ne reste plus grand-chose. Oui, oui. Oui, parce que les mots sont des fauteurs de troubles. Si les mots ne sont pas des fauteurs de troubles, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et effectivement, dans le champ amoureux, le trouble aujourd'hui est aussi, il semble-t-il, banni de la même façon qu'ailleurs. Parce que aussi, c'est beaucoup plus facile de manipuler des gens à qui on peut, à qui il est indifférent d'être avec une personne ou avec une autre, parce qu'autrement, à partir du moment où il y a un rapport passionnel avec un être, eh bien, on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus essayer de vous faire changer, de vous faire dévier. On n'a plus prise sur vous. Alors c'est ça, les maîtres mots, c'est le trouble, c'est le rêve, c'est le désir. Oui, c'est pas si mal. Je sais pas si c'est les maîtres mots, mais... C'est encore des forces sur lesquelles on peut compter. Je lisais tout à l'heure la première phrase du trop de réalité. Peut-être faut-il la rapprocher de celle qui ouvre tout près les nomades, un texte qui est repris dans Ombre pour ombre, qui date d'il y a 30 ans. Je n'ai rien à dire, et encore moins quelque chose à dire. Vous la reprenez d'ailleurs dans un bref texte liminaire et vous commentez en ajoutant « Je n'ai guère changé d'avis ». Oui. N'empêche que vous n'avez pas abandonné la quête, même si vous n'avez rien à dire. Oui, c'est bien parce que je n'ai rien à dire que je n'ai pas abandonné la quête. Parce que quand on sait d'avance, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'aller chercher, pas besoin même de recourir aux mots comme pour avancer. C'est bien ça. Enfin, avancer, c'est aussi un mot dangereux, mais au moins pourri pour ne pas faire du surplace. Donc pendant la catastrophe, la nécessité poétique continue. Je crois plus que jamais, oui, oui. Mais bon, elle est peut-être ailleurs que là où ce monde nous désigne que serait la poésie, comme par exemple à la fin du XVIIIe siècle, la poésie n'était pas dans ce qui prétendait être la poésie, mais elle était par exemple chez Sade, elle était dans à quoi je me suis intéressée, justement pour cette raison, les romans noirs, parce que c'était une sorte de création par l'imagination plurielle, de création d'un nouveau lieu mental. Donc c'est possible que ce soit ailleurs. Si vous aviez eu à choisir, Annie Lebrun, vous faire interviewer par le Marquis de Sade ou par moi, vous auriez choisi qui? Sans doute vous, parce que je ne vois pas tellement le Marquis de Sade interviewer qui que ce soit. Ah, il a des moyens de vous faire parler. Ah bon? Deux livres d'Annie Lebrun chez Gallimard. Ombre pour ombre et du trop de réalité dans la collection Folio. Du jour au lendemain, Angélique Thibault, Michel Mestre, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.